Tu habites rue de la Madone, une maison qui se déhanche, une maison qui se tire-bouchonne et qui pleure à grosses planches. L'escalier colimaçonne, c'est pas grand, non, oh non, mais y'a de la place. Tu habites rue de la Madone, et moi, je viens pour le gaz. Tu as un boudoir plein de bouddha, les bougies dansent dans leur bougeoir. Ça sent bon, c'est sans histoire, ça ruisselle de ta feta, c'est rempli de photos de toi qui sommeille devant la glace. Tu as un boudoir plein de bouddha, et moi, je viens pour le gaz. Tu as un vrai divan de roi, un vrai divan de diva, du Porto que tu rapportas de la porte des lilas. T'as un petit chien et un grand chat, un fognon qui joue du jazz. Tu as un vrai divan de roi, et moi, je viens pour le gaz. Tu as des seins comme des soleils, comme des fruits, comme des reposoirs. Tu as des seins comme des miroirs, comme des fruits, comme du miel. Tu les recouvres, tout devient noir. Tu les découvres et je deviens Pégase. Tu as des seins comme des trottoirs, et moi, je viens pour le gaz. Et chez toi, il y a le plombier, il y a le bedeau et il y a le facteur, le docteur qui fait le café, le notaire qui sert les liqueurs. Il y a la moitié d'un artilleur, il y a un poète de Carpentras, il y a quelques flics, oui, et puis la main de ma soeur, et tout ça est là pour le gaz. Allez-y donc tous, rue de la Madone, c'est pas grand, non, mais y'a de la place. Allez-y donc tous, rue de la Madone, et dites bien que c'est pour le gaz.